Bonjour, ici Valérie Levé et Samuel Lauzon au microphone de CKRL 89.1 et c'est l'heure de votre magazine scientifique Futur Simple. L'hiver n'est plus ce qu'il était. Au fil des ans, il semble bien qu'il tombe moins de neige et plus de pluie en hiver. Il semble bien que les vagues de froid à moins 20 se fassent plus rares. Et il semble bien en été que le thermomètre s'affole. Est-ce que cela nous préoccupe? L'Ipsos a sondé les terriens et les terriennes de 30 pays pour le savoir. Et nous vous donnons la réponse en deuxième partie d'émission. Et pour le moment, on va s'intéresser à une préoccupation plus tangible, la douleur. Pourquoi avons-nous mal quand nous nous cognons la tête ou quand nous nous brûlons ou quand un insecte nous pique? Et finalement, en fait, à quoi ça sert d'avoir mal? Comment la brûlure que nous percevons avec de l'eau bouillante se transforme en un mouvement de retrait instantané? Alors, pour répondre à ces questions, j'ai invité Maxime Cussic, qui commence à être un habitué de l'émission. Il est étudiant à la maîtrise en médecine moléculaire au laboratoire de Steve Lacroix, directeur de l'axe neurosciences au département de médecine moléculaire de l'Université Laval. Bonjour Maxime. Bonjour Valérie. Je suis heureuse de te recevoir à nouveau au micro de Futur Simple. Alors, dis-nous, Maxime, bon, si on a mal quand nous nous brûlons, c'est finalement que la brûlure est transmise à notre cerveau. Et ça implique donc des neurones. Et là, je crois qu'il va nous falloir un petit cours de 101 sur les neurones. Qu'est-ce que c'est un neurone et comment ils transmettent l'information? Oui, exactement. Donc, bien sûr, je pense que pour vraiment l'apprécier, tous les mécanismes de douleur, c'est important d'abord de savoir comment ça marche un neurone. Fait que dans le fond, un neurone, là, ça a vraiment deux objectifs. Son but, c'est de recevoir de l'information, puis de la transmettre là, à d'autres neurones ou à d'autres cellules. Donc, il va avoir trois principales composantes du neurone. D'abord, pour recevoir l'information, bien, il va avoir besoin d'antennes pour recevoir différents signaux. Pour un neurone, là, on va les appeler les dendrites. Et puis, ces dendrites-là vont être accrochées, là, en fait, au corps cellulaire, que c'est là, justement, que le neurone, bien, au final, ça reste une cellule. Donc, elle doit avoir un noyau, elle doit avoir des usines de production d'énergie, elle doit construire ses protéines, etc. Donc, c'est vraiment au corps cellulaire que ça va se passer. Puis, comme on a dit, un neurone, ça sert, oui, à recevoir de l'information avec les dendrites, mais ça va aussi devoir le transmettre, cette information-là. Donc ça va se faire via l'axone, qui peut être là quand même assez long. Par exemple, si on pense à nos neurones de la jambe, ben ça peut faire jusqu'à plus d'un mètre de long, parce qu'on doit l'amener l'information assez loin. Donc l'axone va amener justement là, le signal jusqu'à ce qu'on appelle la terminaison nerveuse. Puis cette terminaison nerveuse-là, ben c'est là que le neurone va pouvoir communiquer avec l'autre neurone après lui ou avec une autre cellule. Donc ça veut dire que bon, si on se pique le bout du doigt, il va y avoir une terminaison nerveuse qui va peut-être sentir qu'on s'est piqué et il va y avoir là un axone qui va remonter quelque part jusqu'au cerveau pour transmettre l'information? Oui, c'est en plein ça. Donc si on prend l'exemple de se piquer, ben en fait, il y a trois là, différents types de neurones. Ici, donc, c'est pour ressentir les sens, donc on va les appeler les neurones sensoriels, c'est-à-dire qu'ils partent là, de notre peau, par exemple, et qu'ils vont se rendre jusqu'au cerveau. Et puis, parmi ces neurones-là, ben, il y en a qui servent à reconnaître le plus les signaux douloureux, donc ceux qu'on appelle les nocicepteurs. Alors, par exemple, si on se pique, ben, ça va activer un type de nocicepteur qui est plus spécifique là, aux douleurs de type, ce que je vais appeler mécanique, donc quand on se coupe, quand on se cogne. Bien, ça va activer ce nocicepteur-là, donc c'est lui qui, par la suite, va transmettre là, le signal jusqu'au cerveau. Et est-ce que c'est le même type de récepteur, de nocicepteur, si on se brûle, c'est pas mécanique, si on se brûle, ou si on a mal à la tête, est-ce que c'est d'autres types de récepteurs? Exactement, c'est tout autre chose. Pour les maux de tête, je dois admettre là, que j'ai pas la réponse à ceci, mais par exemple, si on se brûle, ça va être des nocicepteurs qu'on appelle plus thermiques, donc, qui, eux, là, vont réagir aux trop grandes variations de température. C'est aussi important, par exemple, tu sais, si on a très froid, puis on prend notre douche, ben ça peut faire mal versus si on a été à la maison toute la journée puis on prend notre douche à la même température. C'est pour ça là, que ça répond vraiment à une variation de température. Ah oui. Puis comme tu as dit tantôt, Valérie, là, quand on se fait piquer par une abeille, ben quand l'abeille, elle nous pique, ben elle va relâcher là, du poison, entre guillemets, ou des substances toxiques. Puis ces substances-là peuvent s'attacher après un autre type de nocicepteur. Puis ça, c'est ce qu'on va appeler là, des blessures plus, je vais dire, chimiques, entre guillemets, que ce sont là, des substances dangereuses qui vont venir s'accrocher à ces nocicepteurs-là, puis qui vont les activer. Mm-hmm. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres types de nocicepteurs qui interviennent, qui perçoivent des types de douleurs? Ben là, ça, c'est vraiment là, les trois principaux types. Donc, les chimiques, les thermiques, et puis mécaniques. Exactement. D'accord. Mais finalement, à quoi ça sert? Parce que c'est pas vraiment agréable d'avoir mal. Donc, à quoi ça sert d'avoir mal quand l'abeille nous touche? Est-ce que c'est pour éviter qu'elle nous pique une deuxième fois? Ben, c'est une excellente question. Je sais pas si la douleur peut empêcher l'abeille de nous piquer, mais nous, ça va définitivement là, nous apprendre à ne pas trop s'approcher d'un nid d'abeille dans le futur. Mm-hmm. Alors la douleur, bien sûr, là, je parle de douleur lors d'une blessure, là, ça n'a rien à voir avec la douleur chronique qui est un autre sujet complètement. Mais pour ce qui est de la douleur lors d'une blessure, ça va avoir un effet plutôt protecteur. On sait là que pas mal tous les animaux du règne animal peuvent avoir de la douleur, puis ça leur permet au final de survivre. Parce que comme on a dit, la douleur, c'est quand on a une sensation qui est dangereuse pour nous. Donc, si on se brûle parce qu'il fait trop chaud, quand on se pique avec un objet coupant, il faut savoir que quand on a mal, ben c'est au final là, de la destruction de tissus autour. Puis, ces tissus-là vont relâcher justement là, des substances qui sont pas supposées être là. Par exemple, le contenu du noyau d'une cellule, ben, on devrait pas là, l'avoir parmi d'autres cellules. Donc, tout ça peut venir activer nos neurones puis déclencher la douleur. Donc, au final, c'est un signal d'alarme pour dire « Hey, fais attention, ça, c'est dangereux. Touche-y plus. » Puis, en plus, un fait super intéressant, il y a des personnes qui sont nées avec une insensibilité congénitale à la douleur. Ça veut dire là, qu'ils ont des malformations au niveau neurologique qui font en sorte qu'ils ne ressentent pas du tout la douleur. Puis, ces personnes-là ont une durée de vie très courte, justement parce que et ils peuvent pas là, se protéger contre les choses qui sont dangereuses. Mmh. En même temps, ça, vu que c'est pas agréable aussi, la douleur, ça signale, c'est une méthode d'apprentissage parce qu'on n'a pas envie d'avoir mal une deuxième fois. Donc, si on se brûle une fois avec de l'eau bouillante, bah, on n'a pas envie de recommencer. Donc, on va apprendre à éviter l'eau bouillante. C'est tout. Si c'était juste un chatouillis, l'eau bouillante ne faisait juste un chatouillis, on n'apprendrait pas à éviter l'eau bouillante. Exactement, c'est vraiment un signal distinct. Par exemple, là, lorsqu'on parle de neurones sensoriels, je dirais normaux, par exemple, toucher, ça va déclencher certains types de neurones. Quand on voit les choses autour de nous, ben, ça va déclencher là, des neurones dans la rétine. Encore là, l'audition, l'odorat, le goût. Etc. Donc ça, c'est vraiment là un signal qui est tout à fait à part des neurones nocicepteurs qui, eux, effectivement, c'est plus lorsqu'il y a un signal de danger. Mmh. Et donc là, le signal, finalement, le signal douloureux, il revient au cerveau par la moelle épinière? C'est en plein cela. Dans le fond, le neurone sensoriel, lui, il va commencer, si on reprend là, tout le temps l'exemple de la brûlure, ça va commencer au niveau de la peau, donc on brûle des cellules, il y a destruction de tissus, on active les nocicepteurs thermiques, puis ce nocicepteur-là va amener l'information jusqu'à la moelle épinière. La moelle épinière, c'est vraiment comme une grosse autoroute de neurones qui relie notre cerveau à partout autour de notre corps. C'est la moelle épinière, là aussi, ça passe au centre de notre colonne vertébrale. Donc, ça nous prend un neurone qui va partir, par exemple, du bout du doigt pour se rendre jusqu'à cet endroit-là. Puis, au niveau de la moelle épinière, ben, en fait, c'est une grande autoroute, fait qu'on a des embranchements. Alors, on va connecter le neurone nocicepteur à un neurone là, de la moelle épinière qui va amener l'information jusqu'au cerveau. Ok, c'est pas le même neurone. C'est pas le même neurone qui part du bout du doigt et qui va jusqu'au cerveau et vient se connecter avec d'autres neurones qui sont dans la moelle épinière. C'est en plein d'accord, ça. Puis d'accord. Justement, un fait intéressant à cela, il faut savoir que les neurones sensoriels, par exemple de la peau, à cet endroit-là, vont se connecter avec d'autres neurones nocicepteurs, par exemple de nos organes. Donc, si on prend là, par exemple, l'exemple d'une crise cardiaque, Bon, on sait qu'on la reconnaît par des... on a mal, en fait, au bras gauche, mais c'est parce que les neurones sensoriels, par exemple, de notre bras gauche, puis de notre cœur, sont connectés au même endroit. Ah, oui. Donc, vu que notre cerveau reconnaît qu'on est plus posé à avoir mal au bras gauche qu'au cœur, finalement, ben là, le cerveau va reconnaître ça comme une douleur au bras gauche au lieu d'une douleur au cœur. Mm-hmm. D'accord. Puis, je reprends l'exemple d'une brûlure, ou un insecte qui nous pique, on a un geste brusque pour éviter la brûlure ou bon pour empêcher l'insecte de continuer à nous piquer, même si c'est trop tard, il nous a déjà piqué, en tout cas pour fuir la douleur. Donc ça, c'est le cerveau qui envoie la commande de faire ce geste-là. Puis on n'a pas besoin d'y réfléchir. On n'a pas besoin de se dire « Oh là, faut que je retire ma main, Ça se fait très vite. Donc, comment ça marche au niveau du cerveau pour envoyer ce réflexe-là, ce mouvement de retrait instantané? Ben, c'est vraiment intéressant qu'on en parle parce qu'il y a deux types. Mettons qu'on se brûle, il va vraiment avoir deux signaux douloureux qui vont être envoyés. Il y en a un premier qui va être très rapide. On sait qu'on met, par exemple, notre main sur une plaque, on ne fait pas attention. Ben, on a vraiment une douleur là, vive qui nous fait retirer notre bras très rapidement. Puis, en fait, c'est tellement rapide que ça passe même pas par le cerveau. Mm-hmm. En fait, les neurones nocicepteurs, donc thermiques, vont s'activer, puis vont envoyer un signal qui va aller dans la moelle épinière. Puis, au niveau là, de la moelle épinière, ben, on va avoir une autre connexion qui va amener ce message-là dit sensoriel directement à nos neurones moteurs, donc au niveau là, de la moelle épinière. Donc le signal va tout de suite voir retourner à nos muscles la main pour dire hey, enlève ta main de là, c'est dangereux, ça fait mal. D'accord, donc c'est même pas interprété par le cerveau. Le cerveau n'a pas besoin d'interpréter le signal de la douleur pour envoyer la commande aux muscles de la main. Exactement. Mais ça, c'est pour un signal dit rapide, mais il y a aussi là, un signal lent qui, lui, effectivement, va se rendre au cerveau. On sait, par exemple, là, quand on a mal, puis quand on met notre... Quand on se brûle, on enlève notre main, puis après ça, on se met à avoir mal. Donc ça, ce serait le signal douloureux là, qui est plus lent, je dirais. Puis lui, ça va être comme tantôt, il va se rendre à la moelle épinière, faire ses connexions, se rendre ensuite au cerveau, il va se rendre là, plus précisément au niveau du thalamus, qui ça, c'est une espèce là, de gare de triage. Alors c'est à cet endroit-là que pas mal toutes là, les informations qu'on a dans notre corps se rendent au thalamus, puis ensuite le thalamus va se distribuer à la bonne place. Puis dans ce cas-ci de la douleur, ben, le signal va se rendre au niveau du cortex somatosensoriel, puis c'est à cet endroit-là, donc le cortex, pour vous situer un peu, là, c'est vraiment à la surface de notre cerveau. Et puis, à cet endroit-là, c'est là qu'on va avoir une intégration de nos cinq sens, si je peux m'exprimer ici. Puis, il y a aussi une carte du corps humain, en fait. Puis, il y a eu des expériences là, dans le passé, ça fait quand assez longtemps. Puis, les scientifiques touchaient la région du cortex, puis la personne là, ressentait quelque chose par rapport au niveau de la main ou au niveau du pied. Donc, ils ont pu là, vraiment cartographier ce cortex-là. Donc, c'est vraiment là que l'information douloureuse va se rendre. Puis, c'est là qu'on peut savoir, ben, j'ai mal à la main, j'ai mal au pied, et ainsi de suite. Ah, d'accord. Okay. Donc, parce que quand on se brûle avant de réaliser, on se brûle et on enlève la main avant de réaliser qu'on a mal, finalement. C'est ça, tout à fait ça. Mais là, donc, il y a cette douleur lente, là, ce signal lent qui arrive au cerveau et qui dit, hey, t'as vu, tu t'es brûlé, hein? Recommence pas la prochaine fois. C'est tout à fait ça. Ça fait mal. Ben non seulement ça, mais aussi une fois qu'on s'est brûlé, le cerveau, pour nous dire de pas recommencer ça, ben le cerveau, là, il y a ce qu'on appelle une grande plasticité. Donc, tu sais, on entend tout le temps que le cerveau, c'est un muscle, puis qu'il faut l'entraîner. Ben, c'est pas tout à fait ça. Tu sais, un muscle, on va le bâtir versus un cerveau, là, on va plutôt changer des connexions. On va brancher des neurones ailleurs et tout pour apprendre des nouvelles informations. Donc, quand on se fait mal, il va vraiment avoir un changement au niveau du cerveau. Il y a des nouvelles connexions qui vont se faire pour qu'on apprenne justement hey, quand l'eau abouille, c'est dangereux, tiens-toi loin de là, ou ça, c'est une abeille, ça pique, ça fait mal. Il ne faut pas y toucher. Puis on va aussi avoir au niveau des nocicepteurs, par exemple, j'ai lu là rapidement, mais je sais que quand on a une douleur, une première, la prochaine douleur pourrait être le plus douloureux justement parce que les nocicepteurs sont plus sensibles en guillemets. Ouais. Ben, est-ce que le cerveau, lui, peut ignorer le stimulus douloureux? Est-ce que ça existe? C'est une excellente question. Il y a différentes façons, plus ou moins, là, d'apaiser la douleur. Il y en a une qu'on sait tous naturellement. Par exemple, si on se pique, ben, un des réflexes qu'on a, par exemple, c'est de toucher un peu à la blessure, puis ça fait moins mal dans ce cas-ci. Ouais. Ça, c'est parce que, vous vous rappelez, tantôt, là, on avait les connexions au niveau de la moelle épinière. Donc oui, il y a les nocepteurs qui viennent se connecter là, mais on a aussi les neurones sensoriels du toucher qui viennent aussi se connecter à cet endroit-là. Puis les deux peuvent communiquer ensemble et les neurones sensoriels, eux autres, en fait, vont venir inhiber un peu le signal de nos nocepteurs. Donc c'est un peu là, le même principe du « bec et bobo », en guillemets, du moins un là, de ces principes-là qui viendrait inhiber la douleur. Puis une autre façon de moduler un peu là, ce signal-là douloureux, ben, au niveau du cerveau, on a une petite zone qui s'appelle la substance grise périaqueducale. En fait, c'est un centre émotionnel, puis ça a été montré quand cette zone-là pouvait venir réduire le signal nocepteur. Je sais que certaines études là, qui disent qu'en contrôlant nos émotions ou en ayant un certain là, mindset, pardonnez-moi l'anglicisme, mais on pourrait apprendre à contrôler notre douleur. C'est des études là, encore débattues, mais c'est une piste de recherche là, qui est étudiée présentement. Et est-ce que l'effet placebo il peut jouer un rôle? L'effet placebo, c'est très intéressant. C'est un tout autre domaine, en fait. L'effet placebo, en gros, c'est l'effet que l'environnement a sur nos émotions, en fait, pour venir empêcher cette douleur-là. Ça serait là, justement l'autre aspect du fameux bec et bobo, où quand on est enfant, on se fait mal. Puis là, notre maman vient de donner un câlin, puis là, ça fait plus mal. Donc, c'est vraiment l'environnement autour de nous. C'est très étudié, par exemple, là, au niveau de la médecine. Quand les médecins nous proposent des médicaments, par exemple, on est peut-être plus enclin à le prendre parce que, c'est une personne en qui on a confiance. C'est un environnement, je dirais, plus sécuritaire pour nous, et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment un aspect là, qui vient agir. C'est l'environnement extérieur qui viendrait agir sur nos émotions, puis à ce moment-là, viendrait moduler un peu comment est-ce qu'on sent vis-à-vis une douleur. C'est aussi très important là, en clinique. On en a beaucoup entendu parler avec la COVID-19. Quand on testait les vaccins, notamment, on disait toujours ce vaccin-là, il est efficace versus le contrôle placebo. Pourquoi est-ce qu'on donne le contrôle placebo? C'est qu'on va administrer aux patients lors des études cliniques soit une dose, je dirais, du médicament qu'on veut tester, soit une dose simplement là, d'eau de saline. Donc, par la suite, quand on demande au patient comment est-ce qu'il se sentait, par exemple, on lui donne le traitement, puis on va lui demander là, 3 jours après comment est-ce que tu te sens, il n'y a pas eu justement l'effet de l'environnement qui est venu jouer là-dessus. Par exemple, il y a une étude où est-ce qu'ils ont donné à des patients 3 types de crèmes, une qui avait aucun effet, une qui avait un effet médium, puis une qui avait un effet très fort, alors qu'au final, c'est la même crème pour les trois. Mais la crème, où est-ce que c'était écrit là, l'effet plus fort, avait eu cet effet-là placebo, justement, de donner l'impression qu'elle était plus efficace. Donc, en ayant justement ce contrôle-là placebo dans les études cliniques, on est capable de vraiment savoir que notre médicament est efficace, puis que c'est pas juste parce que c'est écrit « médicament très efficace » sur la boîte. Et en même temps, donc l'effet placebo, c'est cette espèce d'environnement qui va peut-être de la maman qui vient soulager un petit peu son petit qui s'est fait mal. « Mais non, tu t'es pas fait mal. » Et là, donc il y aurait cet effet placebo qui viendrait un peu soulager la douleur de l'enfant également. C'est tout à fait ça. C'est drôle, ça. J'avais jamais réalisé ça. Est-ce qu'inversement, l'effet nocebo peut exacerber la douleur à ce moment-là? S'il y a quelqu'un qui dit « Ah oui, tu t'es fait mal, hein, ça doit vraiment faire mal », est-ce que ça va exacerber la douleur? Oui, ça serait tout à fait l'effet inverse. Je dois avouer que j'ai moins appris sur l'effet nocebo que sur l'effet placebo. Évidemment, nocebo, c'est pas quelque chose qui est utilisé là, dans les études cliniques. Mais effectivement, là, je pense qu'il y aurait un certain parallèle à faire au niveau des émotions puis de l'environnement extérieur. Par exemple, se piquer, je sais pas moi, le médecin nous dit « Ah, ça va faire un peu mal » versus « Hey, ça va faire mal, ça va être douloureux ». Je pense que je pourrais donner l'exemple que quand on a un enfant puis nos parents disent toute notre vie « Ah, ça va faire mal, c'est une carie pour nous forcer à nous brosser les dents » puis que finalement, on va pour une carie. Mais tu sais, au final, ça fait pas si mal que ça, mais vu que nos attentes sont pires, ça peut être plus douloureux. Ouais, c'est vrai. Dans le petit temps qui nous reste, Maxime, j'aimerais que tu nous parles des analgésiques, parce que vraiment, effectivement, avoir mal, c'est pas vraiment agréable, donc on prend des analgésiques. Mais comment ça fonctionne? Alors ici, j'aimerais vraiment faire un parallèle avec les analgésiques. Par exemple, un peu comme les Tylenol, ou les acétaminophènes versus ce qu'on appelle les anti-inflammatoires non stéroïdiens ou plutôt les buprophènes. Donc l'analgésique, lui, va vraiment agir sur le cerveau. Je pense qu'on aura compris là à ce point-ci que le cerveau a un rôle central dans la douleur. Puis l'analgésique, lui, va vraiment venir agir sur les neurones responsables de notre sensation douloureuse pour venir les inactiver. Donc, on n'enlève pas vraiment le mal, mais on empêche la sensation de douleur. Ah oui. Versus l'anti-inflammatoire, qui lui, par exemple, si on se coupe, ben, l'anti-inflammatoire va vraiment venir réduire l'inflammation au niveau de notre blessure. Donc, à ce moment-ci, en réduisant l'inflammation, on empêche toutes ces molécules chimiques-là d'interagir avec les nocicepteurs. Versus si on prendrait un analgésique pour avoir moins mal quand on se coupe, ben il y a quand même des signaux de douleur qui vont être envoyés au cerveau, mais ils n'auront juste aucun effet parce qu'ils vont être là, inhibés. D'accord. Et en fait, toi, tu étudies la sclérose en plaques, donc est-ce que c'est quelque chose que tu essaies... Parce que les malades de la sclérose en plaques, les patients ont de la douleur, donc est-ce que c'est quelque chose que tu essaies de contrôler aussi, la douleur des patients qui sont atteints de sclérose en plaques? Tout à fait, c'est ce qu'on essaie là, de faire au laboratoire. Alors, il faut savoir que la sclérose en plaques amène une douleur chronique qui est causée justement par cette inflammation-là au niveau du système nerveux central là, qui va revenir et repartir. Donc, notre but au laboratoire, c'est oui de contrôler cette inflammation-là, mais avec là, les résultats qu'on a, ben, on serait capable d'inhiber certaines protéines qu'on sait qui activent un certain type de nocicepteur. Donc, par exemple, lorsque la maladie a lieu, les cellules immunitaires, pour ceux là, qui se rappellent de mes chroniques précédentes, vont venir attaquer la gaine de myéline qui entoure les neurones du cerveau. Donc ça va relâcher plein de substances qui, elles, peuvent venir activer nos nocicepteurs. Alors nous, au labo, on essaie de comprendre comment ces nocicepteurs-là sont activés pour les bloquer. Puis, si on n'est pas capable d'empêcher là, cette inflammation-là, ben, peut-être qu'on serait capable d'empêcher la douleur chronique puis d'aider quand même là, beaucoup de patients puis c'est un des symptômes qui est très grave. Ouais. Ben, pas très grave, mais très prenant, j'irais, dans cette maladie. Qui nuit beaucoup à la qualité de vie de ces personnes-là, certainement. Tout à fait. Ben, on voit que la douleur, finalement, c'est un phénomène quand même assez complexe. Et heureusement qu'en cas de brûlure, on n'a pas besoin de réfléchir pour retirer la main du feu. Le cerveau et le réflexe le fait tout seul pour nous. Merci beaucoup, Maxime, de nous avoir éclairé sur la douleur. Ça m'a fait grand plaisir, puis faites attention à vous. Ouais. Alors, je rappelle que Maxime est étudiant à la maîtrise au laboratoire de Dr Steve Lacroix, directeur de l'axe neurosciences au département de médecine moléculaire de l'Université Laval.